Il y a quelques semaines, Jean-René Roy est passé à Futur Simple pour nous expliquer pourquoi le ciel est bleu sur la Terre. Mais si le ciel est bleu le jour, pourquoi est-il noir la nuit? C'est une question qui soulève un paradoxe depuis le 18e siècle, le paradoxe d'Olbers, que va tenter de nous expliquer Jean-René Roy, astrophysicien et professeur au département de physique de l'Université Laval. Bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi à François. Et je vous souhaite une très bonne année 2020. Oui, à tout le monde, tous nos auditeurs et auditrices. Alors Jean-René, la question est simple, mais la réponse est loin de l'être. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, à nous et à nos auditeurs, en quoi cette question est un paradoxe, le paradoxe du ciel noir? En fait, c'est peut-être un peu forcé de parler de paradoxe, vous allez voir que tout ça se tient de façon bien logique et que ce n'est pas si paradoxal que ça paraît. C'est paradoxal par rapport à ce qui était sous-jacent à cette interrogation et à la réponse que le ciel est noir. Et c'est une question, comme vous l'avez soulevé, qui est le type de question que les enfants posent. Oui, tout à fait. De bonnes questions, dont on pense la réponse plutôt évidente, mais qui ne l'est pas. Donc, pourquoi les gens ont posé la question et l'ont en quelque sorte nommée sous forme de ce paradoxe, pour la faire apparaître un peu plus compliquée, c'est que depuis plusieurs millénaires et centenaires, en fait, siècles, les penseurs, surtout les philosophes matérialistes grecs, imaginaient l'univers comme étant infini. Okay. Donc, sans limite, et aussi le nombre d'étoiles comme étant infini. D'accord. Et cette idée a été émise par Pythagore, par Démocrite, et reprise par le naturaliste et poète romain Lucrèce au début de notre siècle. Elle a été aussi reprise par le grand astronome physicien anglais Edmund Halley, donc au 17e siècle, qui travaillait avec Isaac Newton et dont on connaît le nom sous le nom de comète de Halley. Exactement. Et l'idée a toujours perduré parce que finalement, pourquoi l'univers ne serait pas infini? Et une personne qui a payé de sa vie pour avoir propagé cette idée-là, c'est Giordano Bruno, le moine dominicain défroqué. Oui, pour justement dire que la Terre n'était pas unique, que le Soleil n'était pas unique, les planètes n'étaient pas uniques, les humains n'étaient pas uniques, il y en avait une multitude et même une infinité dans l'univers. Et justement, c'était difficile de réfuter cette idée-là. Comment pouvez-vous démontrer que l'univers n'est pas infini? Effectivement. Et c'est notre ami Wilhelm Olbers, qui est un astronome allemand de la fin du 18e et du 19e siècle, un astronome très compétent, très fort, qui a d'ailleurs découvert deux des plus gros astéroïdes, les astéroïdes Pallas et l'astéroïde Vesta, qui est le deuxième plus gros. Et il était un astronome d'observation classique, donc beaucoup de mécanique céleste, de position d'étoiles, mais aussi il aimait s'adresser adresser son attention à des problèmes plus généraux, comme celui de l'infinitude possible de l'univers, qui avait été soulevé par les philosophes. Il dit, moi, je suis pas philosophe, mais je vais prendre le taureau par les cornes. Il dit, je peux expliquer ça par le fait que le ciel est noir la nuit. Pourquoi? Parce que si l'univers est infini, et si l'univers avait une multitude d'étoiles telles que leur nombre serait infini, oublions que c'est à quasi-impossibilité dans le monde physique d'avoir des infinis, mais c'est pour une autre discussion. Il a dit que à ce moment-là, toutes les étoiles, même si elles paraissaient plus petites en fonction de leur distance, mais finalement, si petit que soit leur diamètre, s'il y en a une infinité, elles vont en quelque sorte non seulement les bords se coller, comme si on avait une multitude de soleils rapprochés de nous, mais aussi elles vont se superposer le long de la ligne de visée. Et vous avez fait allusion à l'analogie de dans la forêt avec les arbres, le nombre d'arbres que, en grand nombre, ils peuvent paraître former un mur, en effet. Oui, et si on tire une balle, la balle rentrerait nécessairement dans un exactement. Arbre. Donc, Holbert dit, ça ne peut pas être le cas, on ne peut pas avoir un nombre infini d'étoiles parce que tous ces petits disques, si minuscules soient-ils perçus par l'œil, s'ajouteraient les uns dans les autres sur toute la voûte céleste pour former finalement une voûte céleste qui serait jour et nuit aussi brillante que la surface du Soleil. Oh là là, mais... OK. Parce que... Mais est-ce que c'est possible, étant donné que le Soleil est quand même à 8 minutes-lumière, d'avoir une aussi grande intensité sur un fond? Si vous avez une infinité d'objets lumineux qui ont une dimension physique finie, comme le Soleil, avec un diamètre donné, quelle que soit leur distance et si infime que l'angle soit, parce qu'à grande distance, le diamètre apparent est de plus en plus petit, l'effet d'une infinité d'étoiles va former, un fond en analogie que vous avez faite avec la forêt, va former littéralement l'équivalent d'un mur de lumière. Okay. Évidemment, ce mur de lumière ne sera pas tellement plus brillant que le Soleil parce que les étoiles vont se masquer les unes les autres. Donc, en quelque sorte, on va avoir quelque chose comme l'équivalent du Soleil. C'est équivalent parce que des étoiles qui sont plus froides, donc de température plus faible, donc qui sont plus lumineuses. Mais en gros, ce sera... Le ciel serait aussi brillant que si la surface du Soleil, en quelque sorte, de même brillance, couvrait toute la voûte céleste, jour et nuit. Okay. Jour et nuit. Donc, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe? Oui, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas un nombre infini d'étoiles. Okay. Et les étoiles qu'on a dans notre univers, même si elles sont très nombreuses, vous avez vu des clichés d'étoiles où il y a quelque chose comme si on ne fait pas de différence entre des étoiles, les étoiles paraissent se superposer. C'est un effet de résolution de nos instruments. Les étoiles, en fait, elles sont très distantes les unes des autres. Donc, la distribution des étoiles, c'est pas quelque chose comme les arbres dans la forêt. OK. Donc, il y a énormément de vide entre deux étoiles. Dans notre propre voie lactée, la distance moyenne entre les étoiles est de l'ordre de quelques années-lumière. Oh là là. OK. Donc, c'est des dizaines de milliers de fois plus grand que le diamètre d'une étoile comme telle. On appartient à une galaxie, mais les galaxies elles-mêmes sont distantes en moyenne de 1 million d'années-lumière. Donc, il y a de la place dans l'univers. Donc, si on répartissait toutes les étoiles encore, il y en aurait moins qu'une à toutes les années-lumière, il y en aurait une qu'à toutes les 10 000 années-lumière de distance. Donc, ça, c'est une première raison, mais ça ne suffit pas. Parce que s'ils étaient en nombre infini, on a tout à jamais. Donc, le mur se répéterait, même avec une distribution très éparse des étoiles, comme je viens de distinguer. Donc, le deuxième point, c'est que, qui a été finalement abordé et accepté au 19e siècle, les étoiles ont une durée de vie limitée. Les étoiles ne brillent pas tout le temps. C'est un fait. C'est comme la forêt, les arbres tombent. Oui. Okay? Des arbres, donc, de temps en temps. Donc, les étoiles ont une durée de vie limitée. Et en plus, le signal qui nous vient des étoiles, la lumière qui nous vient des étoiles, voyage à une vitesse finie. OK. Donc, qui est très grande, mais très grande, quand même mais finie. C'est comme, finalement, c'est comme des oiseaux qui passent. Ou une autre analogie qu'on peut faire, c'est qu'on sort de la période des fêtes. Vous aviez un arbre de Noël, vous aviez des lumières dedans. Donc, imaginez maintenant un univers avec... Au lieu des arbres de Noël, ce sont vos lumières qui représentent des étoiles. Et vous avez un arbre de Noël qui est plus sophistiqué avec les lumières qui clignotent. Okay. Mais vous auriez, dans le cas qu'on décrit là, pour faire l'analogie, l'arbre de Noël avec des lumières qui clignotent une seule fois. Okay. La durée de vie d'une étoile. Donc, peut-être faites-la clignoter 2-3 secondes et tout. Donc, là, vous commencez à imaginer, à reconstruire votre univers d'arbres de Noël avec les lumières scintillantes. Vous pouvez en mettre beaucoup. Mais imaginez que vous avez des millions d'arbres de Noël autour de vous dans l'espace et vous faites clignoter la lumière pendant 2 secondes et tout. Mais puis-tu tout de suite imaginer déjà que vous aurez pas un fond ultra lumineux comme tel. Surtout donc, si elle ne clignote pas encore tout en même temps non plus. Donc, elle ne clignote pas tout en même temps. Et la durée, donc c'est l'analogie avec la durée de vie des étoiles, qui est de quelques millions à quelques milliards d'années. Donc on approche de l'autre étape qui est très importante aussi. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'argument mis de l'avant et assez construit par Wilhelm Olbers, mais il est aussi mis de l'avant par le romancier américain Edgar Allan Poe, à peu près en même temps, dans des circonstances comme telles. C'était dans un article dans un journal américain. Donc, on a donné trois raisons. Donc, la distribution des étoiles, elle est très éparse. Il n'y a pas beaucoup d'étoiles pour l'immense espace qu'on est. La durée de vie des étoiles est limitée, même si c'est long en termes humains que c'est limité. Et aussi, la lumière, le temps que ça prend. Une étoile très, très lointaine, on ne la voit pas encore. Sa lumière va arriver, elle va passer comme l'oiseau qui passe, et puis c'est fini. Donc ça, c'en était là, et d'une certaine façon, ça n'élimine pas encore, parce que, imaginez, c'est infini. Il y en a, et même s'il y avait des durées de vie limitées et tout, on aurait encore notre mur de lumière. Donc, ça, au fond, les gens quand même savaient que le nombre d'étoiles ne peut pas être infini. Et que l'argument de base allait. Mais c'est avec l'arrivée du 20e siècle, avec la cosmologie, la relativité générale d'Einstein en 1915, et en particulier l'interprétation de la relativité générale par le cosmologiste belge Georges Lemaître, qui finalement interprète les équations de la relativité générale pour montrer que la structure de l'espace n'est pas stable, entre guillemets, comme Einstein le voulait. Il voulait l'avoir. L'espace soit est en contraction, soit est en expansion. Et en 1927, Lemaître fait cette interprétation et cette démonstration de la solution dynamique des équations de la relativité. Il dit l'espace, il est en mouvement, il ne peut pas tenir fixe. Pas plus que vous pouvez faire tenir un crayon sur sa pointe. Il va tomber d'un bord ou de l'autre. Et il compare ce qu'il voit dans les équations avec ce qu'on observe, les quelques dizaines de mesures qu'on avait de distance des galaxies et de vitesse par rapport à nous, et en déduit que l'espace est en expansion et non pas en contraction. Oui. 1927. Et quel impact tout ça a, en fait, d'avoir réalisé ça a un impact colossal sur notre compréhension de l'univers et ça va être démontré rapidement par les observations de Edwin Hubble et de Milton Humason, deux astronomes américains, qui vont ajouter des observations à tour de bras au peu qu'avait le maître en main et confirmer le phénomène de l'expansion de l'univers. Et Einstein, en 1931, donc 4 ans plus tard, après la publication, le maître va embarquer. Mais en quoi l'expansion de l'univers, explique-t-elle cette substance? Donc, cette l'expansion de l'univers va faire deux choses. La première chose, c'est que plus on est loin, plus les choses s'éloignent de nous. L'espace s'étire à une vitesse qui nous apparaît d'autant plus grande que la distance est grande. Au point que, à un certain point, l'espace, les galaxies s'éloignent de nous à une vitesse plus grande que la lumière. Oh là là, c'est difficile d'imaginer. L'information, elle, ne propage pas plus rapidement que la vitesse de la lumière. Mais l'espace, lui, s'expand à une vitesse, à une certaine distance par rapport à nous, plus grande que la vitesse de la lumière. Donc, plus rien nous parvient. Tout à fait. Donc, il y a un horizon que il y a des galaxies et qu'on ne voit plus. Et avec le temps, toutes les galaxies passent au-delà de cet horizon. Comme nous, si on est vu de ces galaxies, on devient inobservable et On passe de l'autre côté, entre guillemets. C'est ça. C'est pas un trou noir, là. C'est ça. Et on les verra jamais non plus. On les verra jamais. Une fois que c'est passé... C'est pas seulement maintenant, ouais. Mais c'est et si, par exemple, le phénomène qu'on a découvert récemment, que l'accélération se fait... L'expansion se fait en accéléré depuis environ 5 milliards d'années, cet horizon, par rapport à nous, se rapproche tranquillement. Donc, alors que maintenant, on peut voir des galaxies jusqu'à proche du moment du Big Bang, jusqu'à des distances de l'ordre de 12 milliards d'années-lumière, dans quelques milliards d'années, à cause de l'accélération, cet horizon-là va être à peut-être 8, 9 milliards d'années-lumière. Okay. Donc ça, c'est fondamental. Là, le ciel devient noir, ouais. Carrément. Puis même, on pourrait dire, même si les étoiles avaient une durée de vie infinie, parce qu'elles n'ont pas, comme tel. C'est un fait. Donc, ça, c'est un des premiers facteurs de l'expansion. L'autre facteur qui est encore un peu plus difficile, plus sournois, ça, je pense, ça se comprend assez bien, là, tout ce qu'on a expliqué jusqu'ici. L'autre, c'est que cet étirement de l'espace, en quelque sorte, étire la longueur d'onde des photons. Donc, fait diminuer leur énergie. Ça fait un effet Doppler, hein? Oui, mais c'est plus brutal que ça. C'est un effet Doppler relativiste parce que c'est pas l'objet qui bouge, c'est l'objet entraîné par l'expansion de l'espace. Ah, oui, je vois. Okay? C'est comme le phoque sur le glacier, oui. Qui sur la mer. Donc, le phoque est là à dormir et puis il dérive. Okay? Les galaxies dérivent avec l'expansion de l'univers. Comme tel. Donc, il y a deux choses. Les objets, imaginez des étoiles, émettent de la lumière. Okay? Ils remplissent l'espace de lumière. C'est un peu à ça qu'on en revient ici. Et si vous augmentez le volume pour le même nombre de particules de lumière, en quelque sorte, leur densité va diminuer avec le cube du rayon. Okay? Donc, simplement d'augmenter l'espace, si vous avez une quantité d'étoiles à peu près constante, c'est-à-dire... celles qui meurent sont compensées à peu près au même taux par celles qui naissent. Vous êtes toujours en train d'entretenir dans l'univers le même nombre de particules de lumière, le même nombre de photons. Mais si vous faites grossir le volume, vous allez avoir un volume plus grand pour le même nombre de photons. Donc, la densité d'énergie de lumière va diminuer comme le cube du volume. Donc, en augmentant, l'énergie diminue. Et en plus, il y a cet effet-là qui est relié à l'effet Doppler, que la longueur d'onde elle-même, l'énergie elle-même est étirée, diminuée. C'est ça. Donc, il y a un facteur, ça diminue pas non seulement comme le cube du volume, la densité d'énergie diminue comme le volume à la quatrième puissance. Voilà. Donc, ces deux effets de l'expansion qui viennent de la relativité font vraiment que le ciel, la nuit et noir. Ce sont vraiment les deux arguments les plus... fondamentaux, okay. Là, qui règlent la question infinie, puis pas infinie, etc. et tout. Mais, donc, vous voyez une succession ici que la question pourquoi le ciel est noir la nuit, question qu'un enfant pose, on dit bah, c'est parce que le soleil est couché. Donc, elle peut être répondue d'une façon plus subtile et nous informer sur les propriétés fondamentales de l'univers, sa structure, le fait qu'il n'est pas infini, que la durée de vie des étoiles est finie, la lumière aussi voyage à une vitesse finie, et des choses peut-être plus complexes, plus subtiles, que l'espace avec l'expansion qui augmente, la vitesse augmente avec la distance. C'est la fameuse loi de Hubble, et moi j'aime appeler la loi de Lemaître Hubble. Parce que Hubble, en passant, n'y croyait pas à l'expansion de l'univers. Les gens disent que Hubble a découvert l'expansion, mais il n'y croyait pas. Okay. Pour des raisons qui se justifient, mais c'était un homme très prudent et peut-être un peu peureux sur le plan intellectuel. Donc, le ciel est noir la nuit. Bon, on sait qu'on a des problèmes à avoir un ciel noir. Il a été mentionné le projet absolument absurde et catastrophique Starlink d'Elon Musk. Et j'espère que ça va aller au cimetière le plus vite possible, cette histoire-là. Là, c'est comme générer des bouteilles de plastique là, l'infini. Donc, maintenant, le ciel n'est pas tout à fait noir la nuit. Et si vous êtes dans une contrée éloignée, souvent, les gens me disent quand ils vont dans les régions du sud. Où il y a des télescopes, notamment. Oui, mais sans avoir de télescope et tout, où il y a moins de lumière que dans nos villes ici, les gens sont toujours étonnés de voir les étoiles et d'en voir autant et tout. Et il va y avoir la nuit une lumière générée par cette quantité d'étoiles. Je l'ai souvent rappelé, moi, mes moments à certains endroits, comme à Hawaï, je me souviens toujours quand la Voie lactée était très haute dans le ciel, au mois de février, au mois de mars, et j'arrivais devant la porte d'entrée de l'observatoire la nuit, parce que j'aimais aller me promener à l'extérieur quand le télescope marchait tout seul, et regarder le ciel, et je voyais mon ombre projetée par la lumière de la Voie lactée. Donc, il y a de la lumière et tout, comme tel. Donc, quand on dit le ciel est noir la nuit, c'est relatif parce que on reçoit de la lumière. Et aussi, les astronomes ont mis au point des techniques pour mesurer cette idée que la lumière, elle se propage dans l'espace. Les étoiles meurent, mais les petits messagers, ils continuent. Ils continuent, eux. Donc, ces photons-là seront perdus lorsqu'ils frapperont un télescope et un détecteur, un détecteur numérique comme un CCD qu'il y a dans vos téléphones, où les photons sont perdus parce qu'ils frappent la Terre, etc. Exactement. Mais il y en a beaucoup qui voyagent et jusqu'au moment où on les capte, ils sont là, ils sont témoins de phénomènes dans l'univers. Donc, l'univers est rempli de fonds de rayonnement. Et en particulier, on en connaît quelques-uns. Un qui est celui qui est dû, en gros, aux toutes les étoiles éteintes. Okay. Et parce que le volume, l'espace est étiré, l'énergie de ces photons est diminuée, donc vont vers des longueurs, on voit ce fond de lumière dans les longueurs d'onde infrarouges. Infrarouges, OK. Donc, le ciel dans l'infrarouge est a un certain fond et qu'on étudie pour comprendre un peu la lumière des vieilles populations d'étoiles, les vieilles populations qui sont éteintes. C'est un peu comme vous regardez les braises de votre foyer pour interpréter bon, qu'est-ce qu'il y avait avant, etc. Et tout. Et le fond qui est peut-être le plus important, qui a été découvert en 1964, c'est le fond de rayonnement de micro-ondes. Donc, c'est un rayonnement qu'on observe dans les ondes radio qui correspondent aux micro-ondes, donc à quelques millimètres, centimètres de longueur d'onde, okay. Et qui correspond à un moment peu après le Big Bang, okay. Où il y a eu une dernière interaction entre la radiation qui était produite par tout ce qui s'est produit juste après le Big Bang et les électrons qui étaient encore libres parce que la température était élevée. Et ce fond-là est utilisé beaucoup pour caractériser les propriétés de l'univers tout jeune. Okay. Donc, pour caractériser le Big Bang. On parle de fond de rayonnement cosmique micro-ondes. Parfois, vous avez vu des images, on dit c'est l'image du bébé univers. Et j'en parle dans mon livre, 30 images, dont on a parlé le mois dernier. Donc, le ciel est noir la nuit, mais il y a toutes sortes de subtilités que j'essayais de rappeler ici, qui nous révèle tant par le fait que ça nous paraît noir la nuit, et aussi par d'autres types de rayonnements diffus beaucoup plus faibles qu'on peut reconnaître à d'autres longueurs d'onde infrarouges et micro-ondes, qui nous révèlent encore plus sur l'univers, son évolution passée. C'était absolument fascinant, Jean-René Roy. Alors, merci d'avoir fait toute la lumière sur ce paradoxe de la nuit noire. Je rappelle que vous êtes astrophysicien et professeur associé au département de physique à l'Université Laval. Ce fut un grand plaisir.